بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع في دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سيلين الله المولى الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض ذكرنا قول المصنف رحمه الله تعالى حين قال شرك متعلق قال قلنا الشرك شركان شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى الكلام Donc hier on va commencer sans plus attendre donc dans la dernière assise d'hier on avait commencé l'explication du passage lorsque l'auteur dit « Qulna ash-shirku shirkan » et on avait dit de bien se concentrer, inshallah, pour bien essayer de comprendre et d'avoir une bonne conception de ce que va expliquer l'auteur ici. Donc il nous résume. Il nous résume, on reprend les termes de l'auteur parce que vous allez voir, c'est très subtil. Et les termes employés par l'auteur sont réfléchis. Et donc il y a des sens à comprendre à cela. Il dit donc, nous avons évoqué que le shirk a deux formes, deux catégories ou deux genres de shirk. Il dit, le premier shirk, première catégorie ou premier genre, le shirk, le polythéisme lié à l'entité même, l'essence même du créateur, ses noms, ses attributs et ses actes. Ses noms, ses attributs et ses actes. Comme on avait bien mentionné cela dans la dernière assise. Et le deuxième, ou la deuxième catégorie de shirk, il dit, fi ibadati wa mu'amalati. Dans l'adoration et notre relation, ou la relation avec le Créateur. Alors, il dit, celle-ci, on en a discuté. Il l'a clarifié dans ce qui a précédé. قال فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه. Il dit la deuxième catégorie, comme on a dit, c'est celle-ci dont nous avons fait allusion dans ce qui a précédé. Dans tout ce qu'on a étudié à travers toutes les assises hein, qu'on a étudié, on a parlé de Tawhid al-Ubudiyya ou al-Uluhiyya, le Tawhid lié à l'adoration. Et donc il dit أشرنا إليه الآن. لكن ما يدي وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله. Donc, il dit pour cela qu'il va reprendre. Il reprend la première catégorie. On avait dit la première catégorie, c'est le shirk lié à l'entité même, l'essence même du Créateur. Ses noms, ses attributs et ses actes. Donc, on a dit, ça sous-entend quelle forme de... C'est un polythéisme, donc quelle forme d'unicité on avait dit fit tawhid rububiyya, fil asma wa sifat. Et aussi, concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Si on a compris cela, donc cette catégorie de shirk liée à la seigneurie, à l'unicité de la seigneurie, et à l'unicité des dons et des attributs, lorsqu'il dit shirk muta'alliqun bi dhatil ma'bud, wa asma'i wa fa'ali, wa asma'i wa sifati wa fa'ali. Comme il dit. Donc ça, on a dit, ça sous-entend du polythéisme lié à l'unicité de la seigneurie, des noms et des attributs. Il dit cette catégorie-là, qu'il va détailler, il dit, se divise en deux genres, pour bien se rappeler. Que sont ces deux genres? Oui, le premier, on avait dit, Tartil, et le deuxième, Tamthil, Arsent. Ta'til wa tamthil. Donc il dit, regardez, ce shirk-là, qui est lié à l'unicité de la Seigneurie, et des noms et des attributs, il dit, dans cette première catégorie de shirk, alors il va mentionner deux genres. Le premier genre, shirkun ta'til, comme il l'appelle, le shirk lié au reniement, à la négation, si vous voulez, et la deuxième, shirku temthil. Shirku temthil, qu'on va expliquer ensuite. Pourquoi ? Parce que le premier genre, shirku ta'til, ensuite va dire se divise en trois catégories, qu'on va étudier dans ce qui va venir. Le premier genre, shirku ta'til, de la négation, ensuite, se divise, il va mentionner trois catégories concernant cela pour bien expliquer et détailler cela. Donc ça, c'était révision de ce qu'on a pris hier. Nous, dans l'explication, donc ça, c'est en ce qui concerne le texte. Dans l'explication, on s'était pas privé de lire une partie, de la page 94 du Sharh Ifadat al-Mustafid. Ifadat al-Mustafid, où l'auteur fait un très beau rappel. Concernant la bonté. Concernant la bonté et la douceur lorsqu'on appelle et lorsqu'on enseigne et lorsqu'on clarifie. Lorsqu'on clarifie le monothéisme et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'auteur a fait un excellent rappel. Pourquoi ? Puisqu'avant qu'on mentionne cette subdivision concernant l'unicité, l'auteur même du livre avait posé une question. Lorsqu'il a mentionné le verset « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha », certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur lui-même de l'œuvre, l'imam al-Maqrizi, soulève une immense question. Alors que nous connaissons l'immensité de la miséricorde d'Allah azza wa jalla et du pardon d'Allah, car Allah est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah est le grand pardonneur. Al-Ghaffar, Al-Ghafour, Al-Wadoud, Al-Rahim, Al-Rahman. Allah azza wa jalla est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Mais Allah azza wa jalla, malgré son immense miséricorde, il n'accepte pas et ne pardonne pas ce shirk. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'Allah azza wa jalla, alors qu'il est le tout miséricordieux, le grand miséricordieux, il pardonne tout. Par contre, ce shirk-là, il ne le pardonne pas. Et donc, on avait répondu à cette question. C'est pour ça que juste avant, regardez, c'était très pertinent. L'auteur nous dit, mais quel est le mystère ? وَمَا سِرّ ? Quel est le secret, le mystère ? فِي كَوْنِهِ لَا يَغْفِرُ مِنْ بَيْنِ سَئِرِ الذُّنُوبِ. Alors qu'il pardonne tous les péchés. Allah Azza wa Jalla pardonne toutes les fautes, toutes les désobéissances. Mais le shirk, il ne le pardonne pas. Quel est le secret de cela ? Et donc, on avait parlé hier de cela. Et ensuite, l'auteur nous a fait un excellent rappel, le fait de que le croyant, lui, espère le bien pour les autres. Et lorsqu'il se rend compte de l'importance de ce domaine, d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, toujours entre guillemets ce terme, de croire en l'unicité d'Allah, d'affirmer l'unicité d'Allah, que ce soit à travers ses attributs, ses noms, à travers la seigneurie, que ce soit dans le domaine de l'adoration, celui qui se rend compte de l'immensité de ce domaine, alors il espère cela pour les autres. Et donc on avait fait le rappel, l'auteur nous a fait un excellent rappel sur la gravité donc du shirk. Et donc d'enseigner cela aux gens, de clarifier cela aux gens, mais ne pas utiliser la sévérité et la dureté en cela. Et c'est pour ça que l'auteur a fait un très bon rappel Non, c'était pas la page 94, c'était la page 95. Lorsque l'auteur a rappelé, lorsqu'il a cité le verset, qu'une partie d'entre vous s'en ira aller prendre le savoir et reviendra vers son peuple pour ensuite leur enseigner. Donc Allah Azza wa Jalla, on avait dit, commande à une partie d'aller apprendre pour revenir et enseigner. Donc on avait dit l'importance de l'enseignement, d'enseigner aux autres. Les gens ignorent des choses. Celui qui connaît, alors il doit enseigner. Pas pour avoir de la notoriété. C'est pour ça qu'on n'apprend pas pour avoir une certaine notoriété. On n'apprend pas pour qu'on dise de nous, regardez, cette personne est connaisseuse, connaisseur de choses, mais on apprend pour pratiquer soi-même, pour enlever sa propre ignorance qu'on a en nous-mêmes, et ensuite pour essayer d'être une cause pour la guider des autres, pour la guider des autres. C'est pour ça qu'on avait mentionné le hadith « Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajr, mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu min ujurihim shay ». On avait cité le hadith où le prophète Hassan dit « Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajr, mithlu ujuri man tabi'ah ». Celui qui guide ou qui montre quelque chose de bien, une guidée, il aura la récompense, celui, et la récompense de celui qui suit cette guidée. Sans diminuer de sa récompense, on avait cité ce hadith dans la dernière assise. « La yanqusu min ujurihim shay » comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On avait cité aussi le hadith « Wallahi, la an yahdi allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am » Et dans la riwaya, « Fa wallahi, la an yuhda bika rajulun wahid khayrun laka min humrin na'am » Min humri an na'am. فالمطلوب أن يحاول الإنسان هداية الناس. C'est ce que l'auteur dit. Et donc là, on a la page 96 dans Ifadat al-Mustafid. Donc, qu'est-ce qui est demandé? C'est d'essayer d'être une cause pour la guider des autres. Vous savez qu'on ne détient pas les cœurs, puisque lui-même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne détenait pas les cœurs. Il y a deux sortes de guidés. Il y a ce qu'on appelle Hidayat al-Irshad et il y a ce qu'on appelle Hidayat al-Ilham al-Tawfiq. Donc, al-hidayah, hidayat al-irshad, wa-dilala, c'est al-hidayah, c'est la guidée d'indication, d'orientation. C'est-à-dire que les prophètes et les messagers, et ceux qui viendront après, parmi les héritiers, ceux qui sont détenteurs de savoir et de connaissances, sont cause de guidée, c'est-à-dire ils orientent et indiquent le bon chemin. Par contre, ils n'ont pas ce qu'on appelle hidayat al-tawfiq, la guidée al-tawfiq du fait d'accorder la réussite dans l'acceptation de celle-ci. Celle-ci appartient à Allah Azza wa Jal. La guidée des cœurs, elle n'appartient qu'à Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour cela que dans un verset, Allah a nié la guidée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans un autre verset, Allah l'affirme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Puisque dans un verset, Allah Azza wa Jal dit wa innaka la tahdi man ahbabt. ولكن الله يهدي من يشاء. Certes, toi, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il y a une négation ici dans ce verset concernant la guidée. Allah dit au prophète, tu ne guides pas qui tu aimes. Tu ne guides pas qui tu aimes. Pourquoi? Parce que la guidée qui est sous-entendue ici, c'est hidayat tawfiq. C'est la guidée de tawfiq, la guidée des cœurs. Qui est-ce qui accorde la réussite pour l'acceptation de celle-ci? C'est Allah Azza wa Jal. Personne ne peut être accordé la réussite ou guider les cœurs des individus hormis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallam wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. Mais certes, toi, en plus bi at-tawkid, Allah dit au prophète sallam wa innaka la tahdi, différemment de l'autre où il est dit « La tahdi, man ahbabt ». Là, il a dit « La tahdi ». On ne fait pas la prolongation sur le lam. Ça veut dire « Certes, là, tu guides vers le droit chemin. » Et là, c'est « Sirat al-mustaqim ». Tu guides vers le droit chemin. Là, c'est la guidée d'orientation et d'indication. Et donc, une personne qui détient un savoir, une connaissance, il peut orienter, il peut indiquer le bien. Mais ensuite, est-ce que la personne va accepter? La personne qui écoute les paroles, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que son cœur va s'ouvrir? Est-ce que son cœur va connaître la réussite pour croire au Créateur subhanahu wa ta'ala? Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne sert à rien d'être sévère, d'être au contraire, on fait fuir, comme nous l'enseigne le savant ici. Mais on avait cité trois choses. Lorsqu'on appelle, qu'est-ce qui se rappelle? On avait cité, l'auteur, cher ici, les savants nous disent trois choses. Il faut trois choses. Qu'est-ce qui s'en rappelle? Un zikandal? Dis-moi, j'ai pas entendu le deuxième terme? Ouais? Souhaï bissé, mashallah. Ouais. C'est juste le deuxième terme. Billati Yahsen. Avec bienfaisance. Voilà. Avec bienfaisance. Donc il faut trois choses. Trois choses. Ilm, hikma, ou bien hikma d'abord, ou l'ilm, on peut inverser aussi, ou l'ilm, ou al-mujadala billati Yahsen. Trois choses, rappelez-vous bien, pour résumer. Il faut al-hikma, la sagesse. La sagesse, ou l'ilm, la clairvoyance. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut appeler sans savoir, sans connaissance? C'est pour ça qu'il faut déjà enlever l'ignorance qu'on a en soi, déjà pour soi-même, d'apprendre déjà pour soi-même. Ensuite, d'enseigner cela. Zakat al-ilm, c'est l'aumône du savoir, d'enseigner cela. Pourquoi? Parce qu'on veut, nous, on veut du bien pour les autres. On veut du bien pour les autres. Et c'est pour ça que la personne qui est douée de bonté, qui est douée de sincérité, qui a la sagesse, c'est une personne qui va apprendre la douceur. Pourquoi? Parce que le prophète, sallam, lui-même, était doux. Il a été décrit comme cela. Et Allah Azzawajal témoigne de la haute moralité du prophète, sallam. Et Allah témoigne aussi que le prophète, sallam, n'a pas appelé les gens avec rudesse, sévérité. Mais il dit plutôt que s'il leur était dur au cœur rude, alors les gens auront fui d'autour de lui. Mais le prophète, sallam, était doux. Et le prophète, sallam, avait cette douceur. Et c'est pour cela qu'on doit avoir cela. Et donc c'est pour ça que c'était très, très pertinent lorsque l'auteur nous enseignait cela, en disant qu'il faut appeler avec sagesse, appeler avec savoir, et al-mujadala billati yahsen. Et ça, c'est tiré du verset Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate An-Nahl, le verset 125, Ud'u ila sabili rabbika. Appelle à la voix de ton Seigneur bil hikmati wal mu'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. Appelle vers la voix de ton Seigneur avec sagesse et le bon sermon. Wajadilhum, et débat avec bienfaisance. Une traduction relative, dans une traduction relative. Et donc c'est pour cela que le cheikh nous dit, il faut pas utiliser de la sévérité, de la dureté dans cela. Et donc, lorsqu'on apprend, c'est pour ça l'importance de bien se concentrer sur le domaine du monothéisme, comme ça va venir, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que dans une telle époque, le croyant doit être une source de bien et doit avoir de la miséricorde pour les autres. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui sont ignorants. Parce que personne ne leur a clarifié vraiment le sens de l'islam, la réalité de l'islam, le sens véritable de cette religion. Et qu'est-ce que cette religion? Alors, c'est aux musulmans de le faire. C'est pour cela, le musulman, lui, c'est une personne qui aime le bien pour les autres. Et il y a des savants qui nous disent, il y a des savants qui nous disent que c'est une responsabilité à chacun de clarifier le bien. Pourquoi? Parce que le musulman, il aime le bien pour les autres, donc il veut le clarifier et l'expliquer aux autres. Sachant qu'ensuite, la guidée des cœurs appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. En tout cas, ce message-là, qui est-ce qui est sous-entendu? Allah Azzawajal s'adresse à qui? Lorsqu'il parle de sa seigneurie, qui est le créateur du monde, et appelle à son adoration. Il s'adresse aux êtres humains et aux djinns. Pour le monde des êtres humains, tous les êtres humains sont les serviteurs d'Allah Azzawajal. Tous les êtres humains doivent adorer leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, si Allah Azzawajal, toi, t'as guidé, alors il faut essayer au maximum d'être une cause de bien. Et d'enseigner cela, bien sûr, billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan, avec bienfaisance et clairvoyance et savoir. Après, d'enseigner le bien, c'est pas interdit, hein. On a le droit de vouloir le bien pour les autres. On a le droit de vouloir clarifier, enseigner le bien. Si on a des voisins même qui sont nos musulmans, de vouloir leur faire connaître la beauté de cette religion. Qu'est-ce que le monothéisme? Le droit de leur créateur, qu'ils ont un créateur. Leur créateur, notre créateur est le même. Subhanahu wa ta'ala. C'est pas interdit. Parce que souvent, on voit les musulmans ensuite sont frustrés et pensent que c'est interdit de faire connaître cette religion. Les gens savent que vous êtes musulmans, qu'on est musulmans. Et, alhamdoulilah, c'est un honneur pour le croyant de faire montrer la beauté de cette religion et d'enseigner aux gens c'est quoi ? At-tawhid. Et c'est quoi le droit du créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors regardez, maintenant pour bien comprendre, at-tawhid, c'est la priorité pour le croyant. C'est la priorité. Regardez, là on va essayer de bien comprendre tawhid al-rububiyya, l'unicité de la Seigneurie, et des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant l'auteur donc nous parle du shirk. Et donc, dans cette première catégorie de shirk liée à la seigneurie et au nom et aux attributs, qu'il appelle fizatil ma'boud, ou asmei, ou sifati, ou afali, qu'il appelle comme cela. Donc, il dit, il y aura deux catégories. Shirk ou tartil, ou shirk ou tamthil. Tamthil. Dans le tartil, donc, il nous dit, ahaduhuma shirk ou tartil, wa huwa akbahu anwa'a shirk, ka shirk fir'aun, fi qawlihi, wa ma rabbul alamin. Alors il dit la première de ces catégories. Il dit shirk ta'til qu'on peut appeler le shirk de la négation ou du reniement. Il dit celui-ci est le plus grave et le plus vil. Et le plus vil. C'est le polythéisme de Pharaon. C'était le shirk de Pharaon. Lorsqu'il dit wama rabbul alamin. Wama rabbul alamin. Et dans un autre verset, Pharaon s'adresse à Haman et lui dit « Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughu l'asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. » Et dans cet autre verset, dans Sat Ghafir, le verset 36 à 37, là Pharaon s'adresse à Haman. Il lui dit, construis-moi une sorte de sarh, de tour pour monter vers les cieux. La'alli ablurul asbab. Il voulait monter vers les cieux et il voulait voir s'il voit le dieu de Moussa. Mais il dit, je pense qu'il est certes menteur. Traduction relative du verset. Et dans une traduction plus littérale, il est dit, et Haman, oh Haman, construis-moi une tour qui me servira de moyen, pour parvenir aux cieux et d'atteindre le dieu de Moussa, bien que je pense qu'il ne fait que mentir. Et dans un autre verset, il dit, Pharaon, il dit, mon assemblée, je ne vous connais pas de dieu en dehors de moi. Alors Haman, fais-moi brûler de l'argile afin que je puisse atteindre le dieu de Moussa, bien que je pense qu'il est un menteur. Et l'auteur, vous avez vu, il cite le polythéisme de Pharaon comme le pire et le plus vil des shirks. Et le plus vil des shirks. Pourquoi ? Parce que ce shirk-là, qu'on appelle shirk tartil, et là vous avez bien compris, tartil al-kawn min khaliqihi. Wa yuqal inna al-kawn laysa lahu khaliq. Comme on le verra dans cela. Par contre, ici, il y a un terme. Et l'auteur, ce n'est pas en vain qu'il cite les termes. Il cite « Kashirki Fir'aoun ». Donc, ce reniement, cette négation de Pharaon, l'auteur l'a appelé polythéisme. Shirk. Alors qu'ici, on parle de la non-croyance, l'incroyance de Pharaon. Puisqu'il dit, regardez dans le premier verset cité, « Wama rabbul alamin » et qui est ce seigneur de l'univers ?« Wama rabbul alamin » Ça sous-entend bien sa non-croyance. Sa non-croyance et son reniement. Donc il ne croyait pas au créateur. Et c'est ça qu'on va voir dans le shirk at-tartil. Pourtant ici, c'est la non-croyance qui est mentionnée, du kufr. Mais ici il dit « Kashirki fir'aoun » Le polythéisme de Pharaon. Pourquoi ? Parce que dans ce verset, lorsqu'on a cité le verset d'une traduction littérale, lorsqu'il dit « Oh Haman, construis-moi une tour qui me servira de moyen pour parvenir aux cieux et d'atteindre le Dieu de Moussa, bien que je pense qu'il ne fait que mentir. Dans ce verset, certains savants ont dit il y a deux choses. Il y a deux choses à considérer lorsqu'il dit « Construis-moi une tour pour que je monte vérifier et voir le Dieu de Moussa, si Moussa dit la vérité. » Il y a deux choses, ça sous-entend deux choses. Soit il reniait totalement l'existence du Créateur, Subhanahu wa ta'ala, premièrement, ou soit ça suppose, certains savants disent, ça suppose qu'il reniait l'élévation du Créateur. Sifatul ulu, qu'il reniait l'élévation du Créateur. Pour cela, il dit à Moussa, construis-moi une tour que je puisse monter pour voir. Donc certains savants disent, soit ça peut supposer qu'il renie l'existence du Créateur, ou bien ça suppose qu'il renie Sifatul ulu, l'attribut de l'élévation du Créateur Subhanahu wa ta'ala. Et aussi, pour ça, certains savants, lorsqu'ils expliquent l'histoire de Pharaon, certains disent, savants disent, malgré qu'on fond de lui, il pouvait croire en Allah Azza wa Jal. Mais il reniait cela devant son assemblée, en leur disant, Ana Rabbukum al-A'la, c'est moi votre Seigneur le plus élevé. Mais ça sous-entendait, ça ne niait pas le fait que peut-être au fond de lui, il avait une croyance au Créateur. Mais nier cela de manière apparente. Donc la croyance interne, qui n'est pas exclue au sujet de Pharaon, mais d'une manière apparente, devant ses assemblées, il reniait l'existence du Créateur. Pourquoi on parle de shirk ici? Puisque c'est renier l'existence. C'était la non-croyance en l'existence du Créateur. Parce qu'il dit « Ana Rabbukum al-A'la ». Ensuite, il s'est comparé au Créateur. Et donc, il s'est associé. À un moment donné, il va s'associer au Créateur. Il nie l'existence du Créateur d'une manière apparente, mais aussi, il s'associe à lui. En disant « Ana Rabbukum al-A'la ». Je ne vous connais pas, dans un autre verset, je ne vous connais pas d'autre Seigneur, si ce n'est moi, il leur disait. S'est-il associé au Créateur? Il s'est associé au Créateur. Et de cet aspect-là, on voit que l'attribution aussi du shirk est pertinente. Pourquoi? Parce qu'il y a taswiya. Et le shirk, c'est lié à taswiya, donner un semblable, assigner un semblable ou un égal à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ensuite, écoutez bien ce que dit l'auteur. Les termes sont subtils. Pourquoi? Parce que, comme dit un grand savant dans l'explication de ce passage, il dit lorsque l'auteur emploie le terme ta'til, c'est plus subtil qu'on pourrait se l'imaginer et qu'on pourrait le concevoir. C'est plus subtil, le terme que va utiliser l'auteur. Déjà, vous avez vu la subtilité lorsqu'il dit le shirk de Pharaon. Il aurait pu dire le kufr de Pharaon, parce qu'il y a un kufr. Mais il a cité shirk. ثم قال والشرك والتعطيل متلازمان متلازمان. Il dit ensuite le shirk et le ta'til qu'on n'a plus besoin maintenant de traduire. Maintenant on comprend les deux termes. Il dit c'est mutalaziman. En d'autres termes, littéralement on pourrait traduire par sont indissociables. Les deux termes, le shirk, l'associationnisme et ta'til, le reniement, le reni, la négation, et dit sont indissociables. De sorte que, kullu mushrik mu'attil, tout mushrik, tout sahib shirk, tout polythéiste est mu'attil, est négateur. Wa kullu mu'attil mushrik. Et ensuite, il va dire l'inverse, et tout négateur est mushrik, est polythéiste. Je vous le répète, il dit, wa shirk wa ta'til mutalaziman, fa kullu mushrik mu'attil, wa kullu mu'attil mushrik. Regardez, il dit, le shirk, est-ce qu'on peut rester sur les termes en arabe maintenant? Shirk, ça c'est bon, on n'a plus besoin de traduire associationnisme ou polythéisme. Shirk. Et maintenant, ta'til. Ta'til, négation. Ça vient du verbe, c'est le masdal de attala, yu'attilu ta'tilan. Ta'til. Là, l'auteur nous dit que les deux termes, les deux choses sont indissociables. Mutalaziman. De sorte que, tout mushrik, sahib shirk, fawa mu'attil. Et kullu mu'attil, mushrik. Mais à la nuance près, qui dit لكن الشركة لا يستلزم أصل التعطيل. Par contre, il dit le shirk n'implique pas forcément l'origine de التعطيل, de la négation, qu'on va expliquer. Par contre, je vous répète le terme, لكن الشركة لا يستلزم أصل التعطيل. Vous comprenez pourquoi hier, la cause pourquoi hier, on a refait un rappel sur l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration, des noms et des attributs. On a refait un rappel sur l'unicité pour qu'on puisse bien comprendre ensuite le shirk, lorsqu'il est lié à quelle forme d'unicité, quelle catégorie d'unicité, de la seigneurie ou bien de l'adoration. Et pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous enseigne l'auteur ici. Donc regardez, il dit, par contre le shirk n'implique pas forcément à ce tartil. بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته لكنه معطل حق التوحيد. Lorsqu'il dit cela, c'est-à-dire que le shirk la yastalzim asl al-ta'til, que parfois celui qui tombe dans une forme d'associationnisme de shirk, la base n'est pas forcément al-ta'til, n'est pas forcément la négation d'une chose, n'est pas forcément la négation, par exemple, de l'existence du Créateur. De sorte qu'il dit, lorsqu'il y a shirk, il n'y a pas forcément l'origine du tartil. Par exemple, celui qui a commis un shirk n'a pas forcément nié l'existence du Créateur. N'a pas forcément nié une particule parmi les particularités de la seigneurie du Créateur, ce qu'on appelle khasas ar-rububiyya. Mais, pourquoi il est mu'attil? Mais lui, l'auteur, l'appelle quand même mu'attil. Il l'appelle mu'attil. Par exemple, une personne a commis un shirk sans nier, par exemple, l'existence du Créateur, qu'il en soit le Créateur de cet univers et le maître et le souverain absolu de cet univers. Il n'a pas rattal, al-rububiyya. Il n'a pas rattal cela. Puisqu'on a dit, al-mu'attil, c'est celui qui nie l'existence du Créateur, l'existence de ce maître, du souverain absolu de cet univers. Il est mu'attil. Mais une personne peut commettre du shirk, par exemple dans l'adoration, commettre un acte d'adoration et le vouer à un autre qu'Allah Azzawajal, tout en croyant qu'Allah est le créateur de cet univers. Comme c'est le shirk qui était de beaucoup de peuples dans les générations précédentes et anciennes. Donc il n'y a pas forcément l'origine du tartil lorsqu'il y a parfois shirk. Mais pourquoi l'auteur quand même dit c'est un mu'attil? Il est mu'attil. Pourquoi? Parce qu'il a attal haqq al-tawhid. Parce qu'il a nié le droit de l'unicité. En adorant un autre qu'Allah Azza wa Jal, attal haqq al-tawhid. Même s'il n'y a pas asl al-ta'til. Même s'il n'y a pas l'origine même du ta'til. قال الشارع والشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل لأن المشرك عطل توحيد الله وأشرك معه ما لا يستحق العبادة فعطل حق الله عز وجل وليس كل معطل مشرك فالتعطيل أعم قد يكون المعطل لا يعترف بالله أصلا وأما المشرك فهو يعترف بالله ولكن يثبت مع الله شريكا فهو معطل من ناحية ومشرك من ناحية لكن المعطل صرف لا يعترف بالله أصلا. طيب. ثم قال. Ensuite l'auteur après avoir cité cela il dit: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام. وهو ثلاثة أقسام. Et ensuite l'auteur il dit. Après avoir cité cela, il dit, et la base donc du shirk et la règle vers laquelle on revient, vers laquelle cela revient, il dit, c'est la négation. Et celui-ci se divise en trois catégories. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه. Donc maintenant il dit que Donc la base, l'auteur hein, considère que asl al-shirk wa qa'idatuhu, la base du shirk, l'origine du shirk, et sa règle revient à quoi? Revient au ta'til. L'auteur dit que l'origine du shirk et sa base revient au ta'til. Or, ce ta'til, il dit, se divise en trois catégories. Première catégorie, dit ta'til al-masnu' an sani'i. Les termes qui sont cités, masnu' wa sani', lorsqu'il dit masnu', il sous-entend al-makhluq. Et lorsqu'il dit sani', il sous-entend al-khaliq. Certains savants considèrent que ce ta'bir, cette manière de s'exprimer lorsqu'on dit al-masnu' wa sani', c'était beaucoup utilisé à l'époque, dans des époques anciennes, par Ahl al-Kalam, les gens du Kalam. C'est ce que beaucoup traduisent et appellent Ahl al-Kalam ou Ilm al-Kalam par la théologie dialectique. La théologie dialectique ou spéculative, si vous voulez. Et donc, beaucoup, ils utilisaient ces termes. Sani' wa masnu'. Sauf que les savants disent que c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais beaucoup de savants considèrent, préfèrent citer Al-Khaliq au sujet d'Allah ou Al-Makhluq. Sauf que Al-Sani' ou Al-Masnu', par exemple, Al-Sani' au sujet d'Allah, c'est pas un nom parmi les noms sublimes. Par contre, c'est Akhbar, min al-Akhbar, c'est un Khabar. C'est un informatif. On a le droit d'informer au sujet d'Allah, Azza wa Jal, en disant Al-Sani' on a le droit. C'est pas interdit, les savants disent. C'est pas interdit. Sauf que il ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des mots, des alphaves, qui sont considérés dans ce domaine-là comme des informatifs. Ce qu'on appelle akhbar. On a le droit d'informer au sujet d'Allah azza wa jal. C'est pour ça que certains savants disent que bab al-akhbar awsa' min bab al-sifat, par exemple. Que le domaine des informatifs, c'est plus vaste et plus vaste que le domaine, par exemple, des attributs. Certains le disent comme cela. Al-Muhim, il y a certains informatifs dont on a le droit d'utiliser pour informer au sujet d'Allah, mais ça ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah. Par exemple, As-Sani', ça sous-entend celui qui a créé. Le créateur, ça sous-entend celui qui a créé. Donc on peut informer au sujet d'Allah qu'il est le créateur, et de dire « فَوَا صَانِعَ » comme c'est sous-entendu ici. Lorsqu'il dit « أَلْمَسْنُوا عَنِ الصَّانِعَ » الصَّانِعَ, c'est le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cela ? Naram. Mais à titre d'information, informer au sujet d'Allah. Mais pas l'utiliser comme les noms sublimes d'Allah. وَلِلَّهِ الْأَسْمَ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Comme Allah dit, à lui appartient les noms sublimes. Invoquez-le par ses noms sublimes. On peut invoquer Allah Azza wa Jalla par ses noms sublimes. Mais ça, c'est des informatifs. On informe au sujet d'Allah. Comme par exemple, Al-Mutakallim. Al-Mutakallim. Celui qui parle. On peut informer qu'Allah Azza wa Jalla est un Mutakallim. Il est celui qui parle. Par contre, Al-Mutakallim ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Pourtant, on a la sifat. Sifat al-Kalam, Thabita. L'attribut de la parole est confirmé pour Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Donc la sifat elle est confirmée dans le Coran. Wa kallamahu Rabbu. Donc la sifat elle est confirmée. Par contre l'ism n'est pas confirmé. Donc on peut avoir des sifat et le ism, le nom n'est pas confirmé. Comme mutakallim. Donc là les savants disent ça rentre dans ce qu'on appelle bab al-akhbar, le domaine des informatifs. Comme par exemple Al-Murid, celui qui veut. C'est confirmé dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal yurid. Yuridullahu bikum al-yusr. Allah veut pour vous la facilité. Donc Allah veut. Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Et vous ne saurez vouloir sans qu'Allah le veuille. Donc, sifat al-irada, l'attribut de l'irada de la volonté est confirmé dans les textes authentiques. Par contre, est-ce qu'on a le nom Al-Murid? Murid, c'est celui qui veut, parmi les noms sublimes. Non. Il n'est pas confirmé parmi Al-Asma, le Husna. Donc, est-ce qu'on le considère parmi les noms sublimes? Non. Par contre, est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est mouride? Min bab al-ikhbar. À titre informatif. Naam. Les savants disent naam. De même pour As-Sani'a. Vous comprenez? As-Sani'a. Al-Muhim. Donc ici, le sens de ta'til al-masnu' an-sani'i, c'est le sens de ta'til al-makhluq an-sani'i. Donc la négation, c'est quoi? C'est le fait que le créé nie l'existence du créateur. Et ça, c'est la première catégorie de ta'til. قال أحد التعطيل المصنوع عن صانعي وهذا من أعظم أنواع التعطيل. Et ça, elle dit que c'est la أعظم أنواع التعطيل. جحود الخالق وجعل المخلوقات أحدثت نفسها. Et c'est lorsque l'être humain, par exemple, lorsqu'il nie l'existence de son créateur, il nie qu'il y a un créateur qui les crée et crée ce monde. Par exemple, certains pensent que c'est le monde est venu cause aux astres. C'est les astres qui sont la cause de l'existence de cet univers, de l'existence des êtres qui vivent dans cet univers. Certains disent, attribuent cela à la nature ou à autre, à des planètes ou autres. Ça, c'est nier l'existence du créateur. Lorsque la créature nie l'existence du créateur. Wahada ta'til. Wahada ta'til. La deuxième catégorie, ta'til al-sani' an kamalihi thabiti lah. An kamalihi thabiti lah. Là, c'est la deuxième forme de négation. Il dit, c'est la négation du créateur concernant sa perfection. C'est nier la perfection du créateur. C'est nier la perfection du créateur. Donc là, vous avez compris, c'est la négation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. La négation des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Comme c'est le cas de certaines doctrines de notre communauté qui ont émergé dans les premiers siècles de l'islam, une doctrine qui s'appelait Al-Jahmiya, les partisans d'un homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan, qui en réalité, ensuite, cette doctrine a émergé du fait que les partisans de cette doctrine ont suivi cet homme, mais lui-même avait puisé son savoir et avait pris cette doctrine d'un homme qui s'appelait Jad ibn Dirham, en vérité et en réalité. Alors, la deuxième forme, on va rester sur le terme maintenant de tartil. قال المصنف pour terminer, il dit tartil sani' an kamalihi thabit lahu. C'est tartil de la perfection du créateur, de ses noms et de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Donc là vous avez vu, c'est lié au domaine des noms et des attributs du créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le croyant, le musulman, la musulmane, eux croient en la perfection du créateur, que celui-ci est exempt de défaut, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle tanzih, tanzih, le fait qu'Allah azza wa jalla est exempt de défaut. Allah azza wa jalla, à lui appartient la perfection, subhanahu wa ta'ala. Et donc plus tard, dans les premiers siècles de l'islam, émergèrent des doctrines qui ont nié aussi bien, par exemple, Jahmiya, les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, les noms que vous voyez dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué, il s'est appelé, il s'est nommé par ces noms, Al-Samir, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Qadir, Al-Hakim, Al-Jabbar, tous ces noms-là, ils ont nié. Ils ont nié ces noms et les attributs aussi, les attributs de perfection. Ça, c'est lorsqu'émergea la doctrine de Al-Jahmiyyah. Donc, c'est ce qu'on appelle Ta'til, Al-Asma, Wasifat. Plus tard, émergea la doctrine des Mu'tazilites qui, eux, ont accepté les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, par contre, en niant les attributs de perfection. Les attributs de perfection. En disant qu'ils ont confirmé les noms, par contre, ces attributs ne sous-entendent pas. Par contre, ces noms ne sous-entendent pas les attributs de perfection. Et ça aussi, c'est du Ta'til. C'est du tartil. C'est pour ça que vous allez trouver dans certains livres de grands théologiens musulmans, ils les appellent, ceux qui nient les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Mu'attila. Vous avez vu pourquoi ils les appellent Al-Mu'attila. Lorsqu'ils parlent de tartil, Al-Asma, Wasifat. Et c'est pour ça que on a deux grandes doctrines qui ont émergé dans le monde musulman, dans les premiers siècles de l'islam, deux doctrines qui sont opposées l'une de l'autre. Ce sont deux extrêmes. Ceux qui ont nié les attributs de perfection, comme on vient de citer précédemment, c'est ce qu'on appelle Al-Mu'attila, mais ceux qui ont affirmé avec exagération, c'est ce qu'on appelle Al-Mushabbiha, Al-Mujassima, Al-Mujassima. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé les noms sublimes, les attributs de perfection, mais en comparant le créateur aux créatures. En comparant le créateur aux créatures. C'est ce qu'on appelle Tashbih al-Khaliq bil-Makhluq. Et vous avez vu, ce sont deux extrêmes qui ont émergé. C'est pour ça qu'un grand imam disait dans un célèbre vers, il disait Al-Mu'attila ya'buduna adama wal-Mujassima ya'buduna sanama. Ya'buduna sanama. Si on suit la doctrine des négateurs, alors c'est le néant. Le créateur n'a pas de nom, n'a pas d'attribut de perfection, ils adorent le néant. Et Al-Mujassima, eux, ils adorent une idole, façonnée à leur image. Façonnée à leur image. Et ensuite, la troisième catégorie pour se quitter, il dit Tartil Mu'amalati Amma Yajibu Alal Abdi Min Haqiqati Tawhid. Là, c'est le Tartil, la négation de la relation. De la relation que le serviteur a envers son créateur. Et cette relation, c'est l'ibada. Donc, vous avez compris, c'est lié à l'adoration. Donc là, on a les trois formes de tartil que cite l'auteur. Et là, vous avez pu comprendre que il cite le domaine de l'adoration, il le lie au tartil. Il le lie au tartil. Pourquoi ? Parce que c'est tartil haqiqat al-tawhid, comme il a dit précédemment. Tartil haqiqat al-tawhid. Voilà pour les trois catégories. On va se quitter sur ça, inshallah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم